Comme un avion sans aile de Charlie Lee Couture, vous écoutez Fadjet en passant par la Lorraine. On est au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net pour les 40 ans de la radio, 40 heures de live sur Facebook. N'hésitez pas, vous allez voir nos petites frats. Et tout de suite, ça sert à chi. Ça sert à chi, gros. Le meilleur buteur de l'ASNL en 84-85 est Robert Jacques avec 11 buts. C'est là. Rate du mois. Alors je rappelle, mon premier c'est le prénom du comédien qui incarne le père de Vic, donc de Sophie Marceau dans La Boum. Okay. Et mon deuxième est le cri pour faire avancer les canassons. Le cri pour faire avancer les canassons. Un cheval quoi, les chevaux. Oui merci Rodolphe. Bah, non, je sais pas, tu me regardes des yeux là, je me dis... Vous pouvez jouer sur Facebook, Fadjet-6 en passant par la Lorraine, et également sur le live Radio Fadjet officiel. David, t'as déjà une petite idée, toi ? Non, là, je vois pas du tout. D'accord que je suis pas le seul à jamais rien piger. Je confirme. Tu confirmes, eh ben, c'est super, c'est très très bien. Est-ce qu'on a des petits commentaires ? Il y a quelqu'un qui dit « Je regarde depuis hier soir ». La vache. Il faut dormir, monsieur. J'espère qu'elle a un peu... Ou madame, je ne sais pas. Monsieur ou madame, j'espère qu'elle a un peu dormi. Ok, alors, le problème, c'est que j'ai pas eu du tout le temps, pendant la musique, de chercher ma chronique. Bah, tu la chercheras après. Et donc, du coup, je serai obligé de la chercher après. On va revenir sur Davy. Mais alors, en tout bien tout honneur, est-ce que tu as un grand souvenir qui est lié à la Lorraine ou à Nancy tout du moins, mais que tu n'aurais pas pu avoir si c'était pas spécifiquement Nancy? Ouh là là, tu m'en poses une colle là. C'est une grosse colle. Hein. Là, je vois pas du tout, non. Je vois pas du tout. C'est vrai que c'est une question un peu particulière pour quelqu'un qui vient juste d'arriver. Peut-être un souvenir sur la place Stanislas ou... Ouais, genre un truc comme ça. Ou un événement particulier qui s'est passé à Nancy, je ne sais pas. Est-ce que tu vas en boîte ? Oui, je vais en boîte. En dehors de Nancy. Mais... En Lorraine ou pas ? Dans le Grand Est. Ah, dans le Grand Est. Bon. Ça ne veut pas dire forcément en Lorraine. Okay. Tout à fait. Bah, donc non. Non, après c'était si bah, après c'était bah, un événement que avec une autre association sportive. OK. Donc c'était à l'occasion de la coupe des JO, je crois, ou de la Coupe du monde, je ne sais plus. OK. Et du coup, il y avait des stands de tennis de table sur la place Stan, et c'est donc c'était un bel événement avec des pros qui étaient là. Trop bien. Donc c'était bien. Tu fais du tennis de table ? Exactement. Ah ouais, la classe. C'est un champion. On a des gros. Est-ce qu'on avait des gros pongistes en 1985 ? Jacques Secrétin. Ah, oui. Je pensais pas que quelqu'un allait répondre à cette question. Je 85 qui. Ouais, c'était je pense que. Bah, je pense qu'il devait jouer à cette époque-là à peu près. Oui, je pense aussi. Oui. Ok. On va. Ben, merci pour avoir répondu à cette question, mon cher Davy, sur Fadjet. En passant par la Lorraine, je vous propose de partir à l'origine. D'où aux origines avec un d'où que ça vient gros. Et d'où que ça vient gros. Ça vient d'où. Et d'où que ça vient gros. Et ça vient d'où. Et ça vient d'où. Eh bien, chers collègues et auditeurs de Fadjet, pour ce d'où que ça vient gros, j'ai un peu changé mes habitudes et j'ai décidé de plutôt faire un d'où qu'elle vient gros, parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a une petite voix qui commence doucement à faire parler d'elle et qui vient de notre bonne vieille Lorraine. Ah, cool. Alors, quand je dis petite voix, en fait, elle en a plutôt une grande, bien rauque, bien grave, et elle s'appelle Patricia Cass. Ah oui, j'ai déjà entendu. La jeune femme est née le 5 décembre 1966 à Forbach, en Moselle. Patricia Noël Cass grandit à Stiringwendel, une ville voisine de Forbach, donc à la frontière avec l'Allemagne, où se parle le plat, un dialecte appartenant au Moyen-Allemand, qui sera sa langue maternelle les 6 premières années de sa vie. Elle est élevée dans une famille de 7 enfants, elle a 5 frères et une sœur, par une mère allemande et un père français, gueule noire, un mineur de fond dans la houillère du siège Simon. Avec le soutien et les encouragements de ses parents, notamment sa mère, elle commence à donner des petits concerts dès l'âge de 8 ans, reprenant des chansons de Sylvie Vartan, Claude François ou Mireille Mathieu, mais aussi New York, New York ou Just a Gigolo. À 13 ans, elle remporte un concours de chant et monte sur scène pour la première fois dans un cabaret de la ville voisine de Sarrebruck en Allemagne. Suite au concours, elle est engagée dans ce cabaret, le Rumpelkammer Club. Bah dis donc, comment tu as dit ? Non. Le Rumpelkammer Club. À tes souhaits. Un tanz local, ça s'appelle, où elle chante tous les samedis soirs pendant 7 ans. Autodidacte, la jeune fille qui arrête l'école à 14 ans tente de percer dans la musique et participe à diverses manifestations. En 83, c'est à Francfort, lors de la fête de la bière, qu'elle se fait remarquer par le compositeur et producteur François Bernheim, qui s'est déplacé spécialement pour l'écouter. Rentré à Paris, il demande à sa complice Elisabeth Depardieu de coproduire le premier disque de Patricia avec lui, Gérard Depardieu participant financièrement à ce premier enregistrement. Parce que c'est sa femme, Elisabeth Depardieu. Oui, c'est sa femme, c'est la femme de Gérard Depardieu. Le titre « Jalouse » apparaît à la fin du printemps 85, mais pour l'instant passe quelque peu inaperçu. Mais je suis sûre que cette jeune artiste va finir par percer dans les prochaines années. Oui. Magnifique. C'était la fin ? C'était la fin. Tu sais pas du tout comment prendre cette question. Je suis sûre qu'elle va percer dans les prochaines années. Je vois pas comment je peux finir autrement. Non, je plaisante, vous me connaissez. On aimerait bien que tout le monde perce. On rappelle quand même que Fadjet, nos émissions respectivement, mais Fadjet, c'est aussi la promotion de la culture, des initiatives locales. Alors, on espère que tout le monde va percer. Y compris Rodolphe. Bah Patricia, si tu veux venir être invitée dans la émission, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. La bienvenue. La bienvenue. La bienvenue. Il est 17h22, vous écoutez Fadjet au 94.1 Nancy en DAB+, et sur fadjet.net. Alors en parlant de groupe qui a percé, est-ce que vous connaissez beaucoup de groupes de musique qui existent depuis plus de 50 ans ? Et locaux, hein, des petits trucs, pas des gros... Qui existent depuis plus de 50 ans, en 1985 ouais. Non, pas, pas depuis 1985, un peu avant, mais sinon... Et moi je réponds sérieusement. Bah, à part Dave, dans la région. Il est pas lorrain, Dave. Oui. Non. Il est même pas français. Même en général, il est même pas français. Même dans l'absolu, bah, c'est plus de 50 ans. Plus de 50 ans, c'est chaud. Eh bien, je vais vous en proposer un qui est purement lorrain. C'est le groupe Sanguin. C'est un groupe de musique folk. Ça fait plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'en 2025, ils existeront encore. Ils tourneront encore. Ils existent encore en 2025. Alors évidemment, en 50 ans, la formation a changé au gré des départs, des choses comme ça, de la vie. Je vous ai trouvé un morceau, alors c'est super, je ne m'attendais pas à trouver pile poil ce qu'il fallait. Le titre, c'est Le Mercenaire, et c'est une cassette qui est sortie en 1985. Génial. C'est le titre éponyme de la... Et voilà, tu vois, Rodolphe, il dit tout le temps que je ne fais pas de recherche. Et du coup, non, je... Pauvre Rodolphe, il s'est toujours agressé, comme ça, il n'a rien demandé. Reprends tes esprits, Rodolphe, ne pleure pas tout trop. Tout va bien, tout va bien. Puisqu'après, ce sera à toi avec Benvlas et Michto. Là, je vous propose d'écouter sur Fadjet le mercenaire du groupe Sanguin. On fête les 40 ans et ça, c'est chouette. Oui. Mercenaire, je vais de fortune en misère. Depuis 10 ans, mercenaire, je vais de fortune en misère. De combat et de guerre en guerre, je suis attendu en enfer. De combat et de guerre en guerre, je suis attendu en enfer. De n'importe vos bannières et la couleur de vos blasons. De n'importe vos bannières et la couleur de vos blasons. Je ne suis né d'aucune terre, je n'ai rien à moi que mon nom. Je ne suis né d'aucune terre, je n'ai rien à moi que mon nom. Passer l'hiver dans les armées du Bourguignon. Je viens de passer l'hiver dans les armées du Bourguignon. Plût à Dieu si je vis encore, tous mes compagnons y sont morts. Plus tard que si je vis encore, tous mes compagnons y sont morts. Combien d'a sauté mes rêves contre bombardes et canons. Combien d'a sauté mes rêves contre bombardes et canons. À vouloir combattre le plomb, à quoi nous sert l'ancien fagnon. À vouloir combattre le plomb, à quoi nous sert l'ancien fagnon. Si mon bras ne tremble pas, même quand le diable est contre moi. 50 000 et sans misère, j'ai choisi de vivre à la guerre. 50 000 et sans misère, j'ai choisi de vivre à la guerre. Sanguin avec le titre Le Mercenaire. Vous écoutez En passant par la Lorraine. Et on fête les 40 ans, si vous aviez pas remarqué, tiens. Fadjet, 40 ans d'ondes positives. Il est 17h28, est-ce que vous vous sentez positif avec nous? Oui, bah oui. J'espère que les gens sont positifs avec j'espère nous. Qu'ils sont positifs. Mais il y a des gens en dehors du studio qui sont là et qui ont l'air positifs. Ils ont l'air positifs en tout cas. Coucou les gens. On est à fond, on a l'impression qu'on est à une manif. Ouais. Alors ceux qui viennent d'arriver, on va vous donner une information super utile. Ça sert à chi gros. En janvier 1985, l'émission Les Jeux de 20h a été tournée à Remiremont. Incroyable. Vous êtes contents les gens qui sont dans le... Ouais. C'est utile, hein. C'est utile, hein. Plus important encore, là... C'est la... Grade du mois. La charade. Je recommence. Donc mon premier, c'est le prénom du comédien qui incarne le père de Sophie Marceau dans La Boum, sortie il y a 5 ans, en 80. Mon deuxième est le cri pour faire avancer les chevals, ou on dit plutôt les chevaux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et mon troisième et dernier est la conjugaison à la troisième personne du singulier de l'imparfait d'un synonyme de s'esclaffer. Oh là là. Rire, quoi. J'aime bien, il nous fait des traductions. Est-ce que vous avez tout là? Vous avez tout, vous remettez dans l'ordre et vous trouvez le nom d'une personne. J'en ai un. Et je vous dirai le tout à l'heure. Mais David, t'en as un, toi, sur les trois? T'en as un sur les trois. Tu as lequel? Celui du milieu? Oui. Ok. Moi, j'ai les trois, je pense. Oh là là. Mais vous êtes connectés aussi. Bah, le verbe rire à la troisième personne du singulier de l'imparfait. Il. Ouais, d'accord, mais je peux rien faire. Mais là, je peux rien faire. Ah, mais j'ai pas compris ça, moi, alors j'ai pas le bon. T'as dit quoi? Un synonyme du verbe s'esclaffer. Un synonyme. J'avais pas entendu synonyme. C'est pas grave. Sinon, tu avais s'esclaffer, toi. Oui. Vous pouvez jouer à la charade du mois tous les premiers jeudis du mois sur Fadjet 94.2 nancyfadjet.net et en DAB+, exceptionnellement on est là avec vous en passant par la Lorraine, Fadjet-6 en passant par la Lorraine sur Facebook. Et il est maintenant, mes chers amis, 17h30. Je regardais le. Non, moi, je suis précision chirurgicale. Okay. Il est 17h30. Déjà 30 minutes d'émission ensemble, mais bah, le live, il va continuer de ouf jusqu'à demain, quand midi. Jusqu'à midi, oui. Jusqu'à, merci David d'être là. Jusqu'à demain midi, on est sur la 22e heure. Hein. Je crois que la petite voix l'a dit au début. C'est ça. 22e heure. Ça, 22e heure. Voilà. C'est michto quand même, ces trucs-là, vous trouvez pas? Ben voilà, c'est michto. Rodolphe. Eh bien, je veux bien que tu balances le premier son. Ce sont des choses qui se sont passées cette année, donc en 1985, en Lorraine. Le premier est un petit peu dramatique, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, okay, pour aller un peu plus vers la rigolade d'après, mais c'est important de rendre hommage à ces gens. Ok, on y va. Lundi 25 février 1985. La rumeur s'est répandue très vite. Coup de grisou ce matin au Puy-Simon. Alors, on a accouru de partout. Et une longue attente chargée d'angoisse a commencé. Donc vous l'avez entendu, c'est un coup de grisou. Vous savez ce que c'est un coup de grisou? C'est une explosion dans les mines. Ouais, c'est-à-dire c'est le grisou, c'est une forme de carbone fossile qui est explosif avec l'air quand il y en a trop. Ça a explosé dans cette mine donc du Puy-Simon à Forbach à 7h31, donc le 25 février, et il y a eu malheureusement 22 morts et des centaines de blessés à cette occasion. Voilà, mais je voulais rendre hommage à ces personnes qui ont péri ce jour-là. On peut aller vers un peu plus de gaieté maintenant, si vous voulez, avec le deuxième. Allez, on y va. Tu n'as jamais dansé aussi bien. Mais qui est-ce? C'est Jérôme. C'est Jérôme. Et quel est son vrai nom à C'est Jérôme? Jérôme. Claude. Oui, il s'appelle Claude Noël Gérard Dautel. Et il est né en 1946. Et il vient de sortir, donc en 1985, ce magnifique opus. On ne disait pas ça à l'époque, ce 45 tours. Et tu danses avec lui. En fait, ça lui a été proposé par Barbelivien. Il a refusé au début. Ah oui, on refusait des choses à Barbelivien. Ah ouais. Et lors d'un déménagement cette année, en retrouvant la cassette dans un carton, eh bien, il a décidé finalement d'enregistrer ce morceau qui a été son plus gros tube. Puisque... Pardon. Alors, tu as envoyé le son d'après. Tu n'étais pas obligé, je n'avais pas terminé. 700 000 exemplaires vendus en France quand même. Et il a occupé la deuxième place du top 50 avec ça. Ah oui. Avec le morceau. Et si on parle de lui, c'est parce qu'il est originaire de Champenoux. Okay. Notre ami C'est Jérôme. Un champenois. Non, je ne pense pas. Champenois, ce sont des gens qui viennent de Champagne-Ardenne. De Champagne, quoi. Un champenoisien. Un champigny. On ne sait pas. Écoute, on va se renseigner et on le dira après la pub. Après ma chronique aussi. Je balance l'autre son. Vas-y. L'AS Nancy Lorraine va brillamment terminer sa saison 1984-1985. L'équipe entraînée à l'époque par un certain Arsène Wenger n'allait faire qu'une bouchée d'un Paris Saint-Germain bis, démobilisé et déjà tourné vers sa demi-finale de Coupe de France contre Toulouse quelques jours plus tard. Les joueurs de Alors, Nancy a battu le PSG, c'était une autre époque, hein, il y a 1985. Devinez combien? Je suis sûr que c'est un truc de ouf. Hein. 4-1. 6-1. Oh 6-1. Moi, j'y étais à ce match-là. Il faut dire que le PSG avait aligné une équipe B. Ils avaient même été sanctionnés pour ça parce qu'ils n'avaient pas le droit. Parce qu'ils jouaient un match retour de Coupe de France, de demi-finale de Coupe de France contre Toulouse quelques jours après. Ils avaient perdu 2-0 à l'aller. Ils ont réussi à gagner 2-0 au retour, à se qualifier au tir au but pour la finale qu'ils ont perdu contre Monaco quelques jours plus tard. Et à l'époque, les buts étaient signés. But de Jacques, justement, Philippe, et des doublés de Pico, qui a un beau nom pour jouer à Pico, et de Ruben Umpierrez, le grand Ruben Umpierrez, que vous avez bien évidemment pas connu. Non. Ok. Qui était un Uruguayen, comme on a eu une grande lignée d'Uruguayens qui ont officié à Nancy. Ça a commencé un petit peu avant ça, dans les années 70, et c'est un des grands joueurs uruguayens de Nancy. D'accord. Okay. Qu'on écoutera. Alors là, c'est Sarah Vaughan, c'est le NJP 1985. Je n'ai trouvé que ce son-là, c'est pour ça, mais il y avait cette année-là Miles Davis et Maurice Kanté. Carrément bien. Et également un Sénégalais qui s'appelle Doudou Ndiaye Rose. Est-ce que vous le connaissez? Doudou Ndiaye Rose. Ouais. Déjà, alors, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Il a participé notamment à l'hymne du Sénégal. Ah oui, à la rédaction de l'hymne du Sénégal. Il était extrêmement connu déjà parce qu'il avait 3 femmes et 33 enfants. ne faites pas ça. Pour les trois femmes, 33 enfants, pourquoi pas. Ça fait beaucoup. Et il devait venir avec 100 tambourinaires, c'est-à-dire 100 joueurs de tambour. Mais en fait, on lui a dit, bah non, vous allez en prendre un peu moins pour venir au NJP. Il est venu quand même avec 46 musiciens. Ah ouais. Et en fait, ils sont arrivés habillés comme des Sénégalais au mois d'octobre. Et donc, c'est un vendeur de prêt-à-porter de Nancy qui les a habillés pour qu'ils aient un petit peu moins froid lors de leur séjour à Nancy et lors de leur concert. Mais voilà, apparemment, c'était... Et c'est Joséphine Baker qui l'avait remarqué en 1959. Oh, c'est chouette. Et donc je rappelle le nom, Doudou Ndiaye Rose. Le NJP 85, c'était la première édition ? Non. Non ? Non. Okay. Désolé de te décevoir. C'est fin des années 70. Je suis pas déçu. Hein. 77, 60, ouais. Voilà. Et le dernier son n'a pas grand-chose à voir avec la Lorraine, mais... Oui, je me suis posé la question. Mais j'avais envie parce que j'adore. Ok. Steven Spielberg présente... Retour vers le futur. Ah, classique. Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? Marty ! Donc moi j'adore, c'est un peu mes films cultes, Retour vers le futur. C'est un film de Robert Zemeckis qui est sorti en 85. L'histoire se passe en 85 au départ, puis ensuite on repart en 1955. Et c'est les aventures de Marty McFly, un ado qui remonte dans le temps grâce à son ami le docteur Emmett Brown. Et qui va un petit peu mettre le bazar puisque sa mère, à l'époque, va tomber amoureuse de lui. C'est un peu l'enjeu du premier film. J'espère qu'il y aura des suites à Retour vers le futur. On pourra en faire 3, je pense. Mais avec de nouveaux acteurs, parce que... Un peu vieillissant, non ? Ah non, je viens de comprendre. Bah d'accord, il n'y a plus rien qui va. Je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Effectivement, on est en 1985. Merci Rodolphe. Et tout se perd, mes chers amis, tout se perd, à part la musique qui est là, et je vous propose, tandis qu'il est maintenant 17h37, on va se l'écouter en entier là, c'est Jérôme, vous en pensez quoi ? Avec plaisir. Hein ? Allez. Et puis on se retrouvera juste après parce que je crois que je vais réussir à retrouver ma chronique, mais on n'a même pas annoncé, il y aura le quiz quiche. Donc on va se fighter ensemble. Tu pourras répondre évidemment aux questions. Hein, et si Davy gagne, on dit qu'on met pas de points, tant pis. Ok. On invente les règles au fur et à mesure, c'est ça, hein? Je redistribue les points, sinon. Il redistribue les points. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, ça, Davy. C'est bien, ça. Allez, on s'écoute C'est Jérôme. On s'écoute C'est Jérôme sur Fadjet dans En passant par la Lorraine. On se retrouve juste après. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas et tu danses avec. La tête sur son épaule, tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle, et tu danses avec lui, abandonné, heureux, tu as toute la nuit pour en être amoureux. Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis. Je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Thank you. Et on danse avec lui. Et là, on danse avec j'ai dansé un squat Davy, c'était impressionnant. C'était d'une incroyable. Beauté, d'une grâce. C'est Jérôme sur Fadjet. Dans... Vous êtes prêts pour danser avec les stars. Je sais pas, tu m'as coupé. Et on rappelle qu'on a 40 heures de live, c'est la 22e heure, il y en a encore donc 18. Pour faire. Ça va, je suis 18, 18h20, en fait, du coup. 18. Oui, tu as raison. C'est pour ça. Les 40 ans de Fadjet. Fadjet, 40 ans de proximité. Ça sert à chi, gros. Le décret 85-425 portant création de la réserve naturelle d'Étanges Grandes date du 4 avril 85. C'est là. J'aime bien ce silence qui est à chaque fois après les sacerdotes. Ah ouais, alors, ça, je vous ai donné les trois. Ça vous met mal à l'aise hein, de... que ce soit inutile. Je vous ai donné les trois de la charade. Montou, c'est notre actuel président du Conseil Général. Conseil Général de Meurthe-et-Moselle depuis 1982. Ça fait 3 ans qu'il est président. Donc, on va refaire dans l'ordre. J'imagine que vous avez trouvé parce que vous avez tous... Évidemment, bien sûr. Mon premier est le prénom du père de Sophie Marceau dans La Boum. Qui incarne le père de Sophie Marceau Claude dans La Boum Brasseur. Donc, c'est Claude. Ensuite, pour faire avancer un canasson. Claude U. Et l'imparfait du verbe s'esclaffer, d'un synonyme du verbe s'esclaffer, donc le verbe rire, vous avez aidé, riait. C'est donc Claude Huriet, qui était président depuis 82 et qui est décédé en 2024. Je reviens un petit peu dans le présent, donc on lui rend hommage également. Merci pour cette charade, mon cher. J'allais dire mon cher Rudy. Appelle-moi Fernand, il n'y a pas de souci. Viens t'appeler Fernand. Mon cher Rodolphe, vous pouvez jouer à la charade du mois tous les premiers jeudis du mois sur Fadjet dans En passant par la Lorraine. Il est 17h42, je ne sais pas qui prend la suite de nous, mais à 18h, il y a quelqu'un. Je ne sais pas. Les gens de 18h. Les gens de 18h, voilà. Les gens tu as le programme de Jules Devant normalement. Oh, merci. Mais en fait, mais David, tu devrais venir plus souvent. Alors... Je devrais faire de la radio surtout. Et bien après nous avons Valentin, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours Valentin en fait. Valentin est toujours là. Il est là à 2h, il est là à 7h. Impressionnant. H24. Alors du coup, j'avais préparé une super chronique et du coup j'arrive pas à la retrouver. Alors j'ai brodé un petit truc un peu comme ça à l'arrache. On va parler parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Oui, Valentin. C'est dingue. On dit Valentin, Valentin apparaît dans le studio. Est-ce que tu ne pourrais pas dire plutôt, je ne sais pas, Julia Roberts? Julia Roberts. Alors, du coup, moi, j'avais envie de vous parler de la météo. Parce que la météo en Lorraine, vous savez, c'est pas ouf quand même. Et, non, c'est pas génial. J'ai été regarder la météo en 1985. Et alors il faut savoir, j'ai vraiment pas préparé, hein, mais on était avec 3 mètres de neige. Hein. Ouais, 3 mètres de neige. Alors je sais pas trop. Alors il y a des chiffres un peu éloquents. Savez-vous que au mois de janvier, la température la plus basse qui a été enregistrée, c'est 17 degrés 6, moins 17 degrés 6. Moins degrés. 17, ouais. Ouais, c'est quand même. Oui, mais il y a eu une. C'est violent, hein. Non, mais il y a eu une grosse période de très froid. J'ai failli faire un truc là-dessus. Ouais, t'as failli. 85, à l'hiver 84-85. Et voilà. Et alors, attendez, je regarde. Au mois de mai. Alors, mai 95, c'est 85, pas évidemment. Mai 85, on avait 27 degrés en température la plus haute. Ça vous embouche un coin, hein. Voilà. C'est. Bah, c'est-à-dire celui qui s'est endormi au début, là, à moins 17, qui se réveille quand il fait 27. Vous avez vu comment on brode bien la radio? On brode bien, et en fait, le truc, c'est que. En fait, je brode pas. En fait, j'avais ma chronique, mais je voulais prendre un peu le temps avant de la lancer. Ah, d'accord. Ah, quel malin. Donc voilà, ça, c'est une petite spéciale pour la radio, pour Fadjet, dans le cadre des 40 ans. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. I am ready. Ici c'est Nancy, on n'est pas en Picardie. Quoi qu'il dit, c'est pas plus joli. On se les caille même à midi. Rime en I, rime en et, 40 années de Fadjet. À minuit j'étais en direct, 17h je reviens sans prise de tête. Oh chouette, sors la quiche et le pâté, la place Stan, forêt de haie, place Saint-Ève, je prends des cuites. Ok, attends, l'alcool est dangereux et pour la santé, la consommer avec modération. Et en plus, il y avait même pas de rime là. Qu'est-ce tu brailles, qu'est-ce tu grailles, tu veux que je te pète la tcha, fume une chmer, détends-toi, profite du paysage avec Roddy, c'est Michto, fan de sport et puis l'impro avec Isa, c'est Golerie, on apprend mais ça sert à chi, ça fait 7 ans qu'on fait ça, tous les premiers jeudis du mois, alors en vrai on essaye mais des fois c'est le deuxième jeudi du mois, voire jamais mais bon, comme on est bénévole et qu'on n'est pas payé, alors tu vois et on est là et je pose le rap et je pose les textes et dans le contexte et je m'appelle Pierre avec nous, on fait de l'urbex, t'es recoins de ta région, même des trucs trucs que t'avais pas envie de connaître. On t'informe, c'est ludique et c'est surtout sans aucune prise de tête. Oh, je me perds dans le flow comme tu te perds dans les Vosges. Pierre Percé, Épinal, Gérard Mer. Attends, on dit Gérard Mer ou Gérard Mer? Gérard Mer, c'est pas la mer. Hein. Faudrait pas heurter les sensibilités. C'est mais. Et on va encore me dire que j'écoute pas les chroniques qui sont faites, qu'on a répondu à cette question. Mais bordel, Pierre, il y a genre belle lurette. Alors, ok, sans souci, je fais le beau geste et je veux bien reconnaître que parfois et même souvent j'ai le degré d'attention d'une belette. Toujours est-il que de la Meuse à la Moselle, en passant par la Meure, de Nancy à Metz, de Beach à Vaucouleurs, de la vallée de la Flèche à Villers, on n'est pas allemand, on est français, mais surtout on est lorrain, ouais, en passant par la Lorraine. Big up! E-P-P-L-E-P-P-L, à vous! E-P-P-L-E-P-P-L, et joyeux anniversaire, Fadjet! 40 ans, ça nous rajeunit pas. Oh, bravo. Tu savais quel âge il y a 40 ans, Rodolphe? 40? Ah, là, là, là, là. J'avais 12 ans. T'avais 12 ans. J'étais le seul. Je raconte n'importe quoi. Tu étais le seul à pas être né, en fait. J'étais le seul à pas être né. Est-ce que vous avez aimé ce petit rap? C'était génial. Ouais, c'était j'ai adoré. Spli. Et maintenant, pardon. Je ne savais pas que tu avais des talents de rappeur. Je me débrouille plutôt. Si je peux me permettre, on dit pas je te pète la chave. Parce que ça veut dire partir. Je voulais dire je me pète la chave, mais du coup j'ai dit ouais, c'est bon là. Ça m'a irrité l'oreille. Faut respecter. Tu m'as énervé, alors on va se fighter. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le quiz quiche. On va se poser des questions à tour de rôle, Isa, Rodolphe et moi. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il a un point. Si quelqu'un ne trouve pas la bonne réponse, il n'a pas de point. On va essayer de faire jouer Davy qui est avec nous et nous avons Mike de la musique dans le temps qui est là. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bon anniversaire Fadjet. Bon anniversaire Fadjet. Ouais, oui, bien sûr. Alors on n'a pas trop de temps, alors on va commencer. Donc Mike, tais-toi. Non, c'est une blague, évidemment. Ça commence bien. Je lance les hostilités. En 1985, combien l'ancien trolleybus de Nancy, c'est un peu d'actualité aussi du coup, comportait-il de lignes? Est-ce que c'était 2? Non, vous savez les lignes. Est-ce que c'était 2? Est-ce que c'était 3? Est-ce que c'était 4? Et est-ce que c'était le trolleybus n'a jamais existé? Ah non, si, ça existait. Moi je dirais 2. Si, le trolleybus existait avant le tram. Ouais, c'était avec tram, oui, pantographe. Oui, avec ils étaient accrochés au. 2. Eh bien, c'est Isabelle qui a trouvé la bonne réponse. Voilà, je cherche un papier, c'était 3. J'ai pas de papier, donc quelqu'un compte un point pour Isa. Ok. Isabelle. Bon point, quoi. Quel homme célèbre s'est rendu à la fac de droit cette année, donc en 85, pour une conférence qui va marquer les esprits? Robert Badinter, Serge Gainsbourg, Jack Lang ou Rodolphe? Mais il était un peu jeune à l'époque. Jack Lang. Je crois que c'est Serge Gainsbourg. C'est Serge Gainsbourg. Si, je crois. Alors, toi, tu dis quoi, Pierre? Moi, je dis Serge Gainsbourg. Eh bien, vous avez raison, c'est Serge Gainsbourg. Ah, je l'ai vu. Qui était complètement alcoolisé, d'ailleurs. Complètement bourré à l'amphi. Et il brûle un billet à nouveau, je crois. Tout à fait, il rebrûle un billet. C'est à moi. Donc, on a un point chacun, Davy et moi. Et toi, tu ne prononces pas de réponse. Donc. Pourquoi chacun un point? Non, tu n'avais pas dit ça. Non, pas du tout. Ah, c'est Pierre et moi. Oui, mais de toute façon, quoi. Davy, on compte pas. Quelle voiture conduisait Jean-Pierre Ballet et Marie-Christine Lallemand qui ont remporté le rallye de Lorraine cette année en 85? Un Ballet. Une Porsche 911 SCSR, une Talbot Samba Rally, une Citroën Visa 1000 pistes ou une Fiat Uno? Non, c'est moi qui avais ça quand j'étais jeune. Donc c'est une Porsche 911, une Talbot Samba Rally ou une Citroën Visa 1000 pistes? Moi, je dirais Talbot aussi. Talbot. Porsche. Ouais. Talbot. Eh bien, c'était la Porsche 911 SCSR. Et c'est donc eux qui ont gagné, un homme et une femme, Jean-Pierre et Marie-Christine. D'accord. Ok, alors la question que j'avais posée, c'est la même que Isa a posée. Donc c'est un peu con, faut que j'en trouve une. C'est pas grave. C'est vrai? Ouais, on aurait dû. Mince. Je suis bête. Non, je rigole. Donc je passe sur la troisième. En 1985, cet établissement fêtait ses 3 ans. Lequel parmi ces propositions? Est-ce que c'est le Ch'timi Place Saint-Èvre? Est-ce que c'est l'Excelsior en face de la gare? Est-ce que c'est le Saint-Sébastien? J'ai même pas mis de troisième pour rire, tu vois. Le quatrième pour rire. Le Ch'timi, l'Excelsior ou le Saint-Sébastien? Ah, j'hésite. Je vais dire le Ch'timi, moi. Ah, je dirais le Saint-Seb. Ah non, 85, c'était avant. Oui, non. L'Excelsior, je dirais. Eh bien, c'est le Ch'timi. Ouais, on a bon. J'ai 2 points, moi. T'as combien de points, ça? 2 points aussi. L'Excelsior, c'était 2008. C'est vachement récent, j'aurais pas cru. Et Saint-Sébastien, c'était 1976. Ah, t'as vu? L'Excelsior, c'est depuis 2008. Que depuis 2008? Non. Ah, bah si. C'est impossible. Ah, bah je vous jure. Selon société.com. Ah oui, mais s'ils ont changé de société. Oui, mais du coup. Bon. Ah oui, d'accord. On va pas perturber l'activité, toi. On va pas nous énerver. Isabelle. Où a été tourné L'amour braque de Andrei Zulovski? Donc en 85. À Metz, à Lunéville, à Nancy, à Bar-le-Duc, mais c'était juste pour placer ma ville de cœur. À Metz, à Nancy, c'est quoi les trois? Lunéville, je dirais. Metz, ouais, Lunéville, Lunéville, Nancy. Moi, je vais dire Nancy. Nancy Lunéville. Également, ouais. Pareil. Eh ben, c'était Nancy. Oh, oh, j'ai trois points, j'ai trois points. Je vous domine de la tête et des épaules. J'ai gagné un point. Moi, la septième étape du Tour de France cycliste a eu lieu le 5 juillet 85 entre Reims et Nancy. Combien de kilomètres ont parcouru les coureurs? 202, 217,5, 245 ou 39 858, mais c'est parce qu'ils sont partis dans l'autre sens. Ils ont fait le Tour de la Terre et ils sont arrivés à Nancy après, ce qui est stupide. Je dirais 245. 202, 217, 5, 245. 245. Ouais, 245 aussi, oui. Pierre? 245, c'est mon Eh bien, la réponse est 217,5. Ah, j'aurais dû choisir. Aujourd'hui, effectivement, ça, si tu prends l'autoroute, c'est 245 km, ouais. Le trajet le plus rapide. Mais eux, ils étaient en vélo. Ok. Alors, du coup, c'est le point pour qui? Bah, c'est pour moi. Pour, ouais. Mais j'ai pas compté les points de tout le monde. Pour Mike. Moi, j'ai 3 points. On a perdu. Moi, j'ai 4 points. Et ben moi j'ai pas de troisième question du coup parce qu'on s'est pas concerté. Ce sont les aléas du direct, mais je peux en trouver une, mais ce sera pas bon, et on va dire que ça compte pour du beurre. Mais c'est du on est entre nous. C'est une question genre pas à choix multiple, mais je sais qu'il existait en 85. Quel était le nom de l'établissement et qu'est-ce qu'ils y faisaient qui était à la place du Quick? À la place du Quick, en face de la gare. En face de la gare. Et t'as pas plusieurs réponses à nous donner? Ah, c'était. Bah, je peux t'inventer un truc là. C'était mais un truc de jeu vidéo. C'était un truc de jeu vidéo, ouais. Ah, le Strike. Ah oui. Non, alors, en face de la gare. Je me souviens pas du tout du nom. Oui, Super Mario. Oui, c'était des bandes d'arcade qui avaient. Oui, ouais. Je vais vous donner. Est-ce que c'était Arcadia? Est-ce que c'était le Métropolitain? Ah, c'est ça. Métropolitain. C'était ça. Forcément. Et il y en avait un autre aussi au Saint-Seb. Oui. Il y en avait un au Saint-Seb. À l'entrée, c'est rigolo, ça. Je ne savais pas du tout. Oui, oui, au Saint-Seb, c'était le Strike. Juste à l'entrée, ouais. Strike. Ouais. Du Saint-Seb. Ça vient, ça. Là où il y a Paul maintenant, je crois. Oui, c'est ça. Enfin bon, peu importe. Vous venez d'écouter Fadjet en passant par la Lorraine dans le cadre des 40 ans de la radio. 40 heures de live, c'était la 22e heure, ça veut dire qu'il en reste. Quelques-uns. Qu'il en reste 18. Qu'il en reste effectivement 18. Parmi ces 18 heures, Valentin va reprendre la place directement là, à 18h du coup. Nous aurons Davy dans la nuit. Oui, après dans la nuit. Donc à partir de 22 jusqu'à. Oui, parce que moi je suis à 21. Voilà. Jusqu'à point d'heure. Et nous avons Mike, musique d'antan. Et tu as un invité, je crois, avec ouais, toi. Ouais, et on entend l'acheter, et puis on a une interview officielle de Mitsu, un ancien animateur d'énergie des années 80. Mais Antoine Achelté, que je connais bien parce que je joue avec, il vient, il a un abonnement. Oui, c'est un collègue. Il va faire un live. Il fait un live ce soir. Ah ouais. Ah ouais. Bah, tu veux passer d'ailleurs, avec ta flûte. Tu sais parler à un homme, toi. Passe avec ta fille. Non, malheureusement, je ne peux pas ce soir. Tu sais parler à un homme. Je ne peux pas passer ce soir, mais vous, où allez-vous pouvoir passer, puisque vous le savez, où qu'on va raouer pour les prochaines semaines de février avant de se retrouver le premier jeudi du mois de mars dans En passant par la Lorraine, c'est notre rubrique Agenda. Alors, on va raouer, on va où? Bonne question, on va où? Eh bien, on peut voir on peut voir de l'impro ce soir, même si c'est pichon, mais vous pouvez faire une pause de Fadjet un petit peu ou pas trop et aller voir de l'impro ce soir. Et sinon, MJC Pichon, c'est aphrodisiaque. Et sinon, moi, je vous parle d'un spectacle qui a lieu le 1er mars. MJC Pichon aussi, la comédienne humoriste Antonia de Rendinger vient mettre en scène les Poissons Rouges. Et il y aura une musicienne en live, en impro sur scène, qui n'est autre que la personne qui est en face de moi, c'est-à-dire Isa. Et j'ai peur. Elle a peur. Tu fais une impro live Ouais, j'ai peur. Non, mais d'accord. Tu fais une impro. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Ouais, mais genre impro live, c'est-à-dire tu vas. Ben, je vais improviser. Elle improvise de la musique en fonction de ce qu'on est en train de jouer. Voilà. Putain, c'est chaud ça. Pas comme tu dis. De la musique, mais pas les paroles. Non, pas de paroles. Non, oui, parce que j'étais en train de me dire, c'est chaud. Mais c'est déjà chaud la musique. Oui, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, je vous propose. Alors, j'en ai parlé hier dans la matinale. C'est la fête du chocolat ce week-end. Oh. À l'Axou, et je pense que c'est une bonne idée d'y aller. C'était aujourd'hui et demain. Oui, et d'ailleurs, vous pouvez voir François. Il y est ? Oui, il fait l'animation, il me semble. Ah ouais, d'accord, ok. Et tu joues aussi, donc tu chantes aussi. C'est Alex Sou au CILM, voilà. Tu chantes aussi la semaine prochaine. Et je chante aussi la semaine prochaine, oui. Toute seule. Et tu chantes. Que des défis ce mois-ci, là. Que défis. Au Café du Commerce, à Toul. C'est ça. Eh bien, moi, je vais faire comme vous, en fait, hein, parce que de toute façon... De l'autopromo, oui, comme d'hab. De l'autopromo, on ne parle que de nous. Si vous avez envie de découvrir une odyssée pop-rock celtique avec mon groupe Grand Large, il faudra vous rendre le 15 février au Longouet. C'est un établissement à Longwy, alors, et qui fait vivre. J'ai vu les commentaires, tous les habitants de Longwy sont très contents de l'avoir, parce que ça fait vivre cette ville qui, au demeurant, à caractère historique, n'est peut-être pas très dynamique. Qui a beaucoup perdu en population, effectivement. Et qui a perdu, donc, en population, effectivement. J'ai répété exactement le même mot. Donc nous, on y sera au Longouet le 15 février à partir de 20h30. C'est 15 euros l'entrée. Mais c'est 15 euros bien dépensés pour voir votre odyssée. Pas pour que c'est tic et puis de toute façon. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Vous venez d'écouter Fadjet en passant par la Lorraine. On rappelle, on est tous les premiers jeudis du mois, même si dans mon rap, j'ai dit que c'était pas souvent le cas. C'est vrai. Bon, si, c'est souvent le cas, mais c'est pas souvent le cas. C'est pas toujours le cas. Ouais. Le premier jeudi de mars, on va essayer d'être au rendez-vous de 19h à 20h. Il y a le podcast sur Fadjet, Radio Fadjet pendant, du coup, un mois, jusqu'à ce qu'il soit écrasé, le site. Et puis sur mon Spotify, Pierre Merciol, Radio Fadjet jusqu'à la fin des temps de l'humanité, ou tout du moins. De Spotify. De Spotify, voilà. C'est ça, c'est comme ça, je dis souvent ce genre de choses. D'ici 3 minutes, l'antenne sera reprise par Valentin, qui est disparu. Alors, je suis en train un peu de flipper. J'espère qu'il va arriver à temps. Donc, on va vous laisser avec un morceau qu'on a passé cette nuit. On va vous remettre, allez, Les Amis de ta femme, Cayenne. Allez, parce que c'est comme ça. Et c'est le Rhin. Ça pète. Et ça parle pas de la Lorraine, mais c'est le Rhin. C'est le Rhin. Et à 18h, le live continue avec du contenu. Et David, tu nous as dit dans la nuit. Oui, dans la nuit. Alors, on va partir à partir de 22h. Je serai là. Jusqu'à 7h, le pauvre. Jusqu'à 9h. Complètement mort. Jusqu'à 9h, il est là. Jusqu'à 22h, 9h. Allez, on s'écoute Cayenne, Les Amis de ta femme. Et on se dit à bientôt. À bientôt. En passant par la Lorraine. Son